Robert revient à sa table. Ça fait combien ? 30 et 30, 60 et 15, 75. 75 francs. Le service est compris ? Oui, monsieur, 15 francs. Au revoir, monsieur. Merci, monsieur. Robert marche maintenant le long du boulevard Montparnasse. Puis il regarde sa montre, cherche une cabine téléphonique. Ah, en voilà une. Mais Robert n'a pas l'air de comprendre comment elle marche. Il faut une carte magnétique. Essayez l'autre, elle marche avec des pièces. Vous avez de la monnaie ? Robert lui montre une pièce de 10 francs. C'est tout ce que j'ai. Ah non, ça va pas. C'est pour Paris ? Oui. Il faut des pièces de 50 centimes, 1 franc ou 5 francs. Vous n'avez pas de monnaie ? Pas du tout. Attendez, je vais voir si j'en ai. Tenez. Merci, au revoir. Et Robert peut enfin téléphoner. Robert cherche une cabine téléphonique. Il cherche une cabine téléphonique. Qu'est-ce que Robert cherche sur le boulevard Montparnasse ? Une cabine téléphonique. Il faut une carte magnétique. Il faut une carte. Une carte magnétique. Essayez l'autre. Elle marche avec des pièces. Essayez l'autre cabine. Essayez l'autre. Elle marche avec des pièces. Elle marche avec des pièces. Qu'est-ce qu'il faut pour téléphoner de cette cabine ? Une carte magnétique. Et pour l'autre cabine, est-ce qu'il faut aussi une carte magnétique ? Non, elle marche avec des pièces. Robert lui montre une pièce de 10 francs. Robert lui montre une pièce de 10 francs. Ah non, non, non, ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Est-ce qu'on peut mettre une pièce de 10 francs ? Non, ça ne va pas. Vous n'avez pas de monnaie ? Vous n'avez pas de monnaie ? Ah non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Allô, madame Courtois ? Allô, c'est la bonne. Attendez, je vous la passe. Madame, c'est le monsieur de tout à l'heure. Allô ? Allô, oui ? Allô ? Bonjour, madame. Allô, j'écoute ? Ici Robert Taylor. Ah, Robert ! Comment allez-vous, mon cher petit ? Quelle coïncidence ! Nous parlons justement de vous hier avec mon mari. Il y a longtemps que vous êtes arrivé ? Depuis hier. Non, oui, enfin... avant-hier. Je suis arrivé avant-hier. Allô, madame Courtois ? Non, c'est la bonne. Non, c'est la bonne. Attendez, je vous la passe. Attendez, je vous la passe. Je vous la passe. Attendez, je vous la passe. Qui est-ce qui répond au téléphone ? La bonne.